trou du fer de lance, de la lance et des figurants. Toi, tu fais partie du fer de lance. Oui, effectivement, moi, je suis la molécule 44. Puis tu as aussi parlé vendredi qu'il était pour y avoir des rencontres avec des êtres transtemporels. En 93. Oui, en 93. Puis donc, c'est... En 94 aussi, il va en avoir. Donc, tu es susceptible d'en avoir. Non, je ne suis pas susceptible. Puis, est-ce que toi, des rencontres avec ces êtres-là, tu en as déjà eu? Oui. Quand? L'autre fois. Vendredi, mercredi? Pas mardi. oui, j'en ai eu tout le temps. Tout le temps? Tout le temps, pas 24 heures sur 24. Non, là. On va parler de cette vie-ci, non? OK. Quand est-ce que, même, est-ce que tu as eu d'autres types de rencontres avant les rencontres transtemporelles? Bon, j'ai rencontré des farfadets, j'ai rencontré des gnomes, j'ai rencontré des humains, j'ai rencontré ma mère, j'ai rencontré des extraterrestres, j'ai rencontré des intraterrestres, j'ai rencontré des êtres transtemporels, j'ai rencontré des guides de lumière, j'ai rencontré des personnes, des entités réincarnationnelles, et puis j'ai rencontré... Bon, est-ce qu'il y a un cheminement dans ces rencontres-là, un cheminement logique, là? C'est-à-dire qu'il y en a qui sont moins énergétiques que d'autres? Bien, cheminement logique ou cheminement croissant? Croissant. Parce que logique, là-dedans, c'est... logique, c'est partie de la logique de du monde astral. Non, il n'y a pas de cheminement croissant. Il y a de temps en temps, j'ai rencontré des mécaniques astrales qui ont essayé de me récupérer. J'ai rencontré des mécaniques transtemporelles. La majorité des rencontres transtemporelles, c'était moi-même. Je suis venu me dire ce qu'il fallait que je fasse. Bon, chronologique donc. Bon, à l'âge de 2 ans et 3 mois. Ben, c'est, oui, c'est vrai ça, à l'âge de 2 ans et 3 mois? Oui, c'est vrai. Oui. Dans cette vie-ci, là. Ah oh, oui, dans cette vie-ci, là... Probablement un peu avant ça, remarque, je me rappelle de mon grand-père quand j'avais 3 semaines, je l'ai vu, mais il est mort, enfin, il est mort avant, bon. Je me rappelle de certaines choses, je n'ai pas pu conserver en mémoire tous les phénomènes. Mais, bon, vers l'âge de, ben, etc., il y a eu des âges comme ça où je me suis rencontré, et puis... Ah, ok, ça c'est une rencontre transtemporelle. Oui, c'est-à-dire que c'est moi qui proviens de l'avenir, mais je proviens... quand j'étais jeune, je me suis rencontré souvent. Je me suis trouvé très, très intéressant. Et puis, j'ai discuté beaucoup avec moi-même. Par contre, je devais arriver d'une façon originale, j'arrivais à l'exiger. Parce que je ne me serais pas accepté. À quelle forme, quel déguisement? Ben, comme des vieux sages, en cause. À l'époque, ça allait bien, parce que vers l'âge de 6-7 ans, j'avais déjà le goût de refaire le monde. À 12 ans, c'était clair et précis que j'allais vivre sur une île déserte, avec du monde, hein, mais l'île devait être déserte avant, mais après, bon. Et puis, finalement, je me suis rencontré dans ces âges-là où je m'expliquais plein de choses. Je m'expliquais, je me guidais. Ce qui fait que j'ai développé énormément mes capacités, mes perceptions extrasensorielles à partir de l'âge de 5-6 ans. À 8-9-10 ans, j'étudiais avec certains de mes amis, c'est tout du monde que je contrôlais. C'est du monde pas intéressé, mais qui l'était intéressé parce que moi, je suis intéressant. Bon. On étudiait la télépathie, la métagnomie, le cube berlandiste, un paquet de choses du genre. On étudiait déjà les rencontres extraterrestres. Et puis, vers l'âge de 10 ans, à un moment donné, ben, c'était un sarcois. On a vu juste ses traces, là, mais quand même, le soir, dans le bois, quand on campait, on y laissait des pinottes, une telle personne, des cours qui venaient, une course par là, le soir. Mais régulièrement, quand je me rencontrais, c'était dans l'astral, mais à l'époque, je ne m'étais pas rencontré dans le vivant. Ce qui est important, c'est que souvent, les personnes, sur la planète Terre, les êtres qui sont scientifiques, se rencontrent justement dans l'astral. Donc, on déjà des contacts avec des êtres transtemporels, mais qui sont eux-mêmes. Ils se rencontrent. Alors, moi, je me rencontrais, et en fonction de ce que l'astral m'avait manipulé à être, vers ces âges-là. Quand je me rencontrais, je prenais les vêtements chez l'astral, les vêtements obligés par l'astral. Je passais dans la garde-robe de l'astral, la garde-robe pour cette pièce de théâtre-là. Puis là, quand je rentrais là-dedans, ben là, le Daniel qui était là, quand il me voyait moi arriver, ben c'était pas tout à fait moi, c'est moi dans 7 ans d'ici. Donc, dans 7 ans d'ici, je pars et je descends 1960, 1963, 1964. Toi, dans 7 ans d'ici de 93. Ouais, c'est moi de l'an 2000. Toi, de l'an 2000, qui descend. Il est descendu me voir, me visiter, m'instruire de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, mais pas quelque chose. Ça l'a aidé beaucoup, cette incarnation-ci, à ne pas trop user le corps physique, et ça lui a permis. Donc, j'ai pu m'instruire très rapidement de la mécanique réincarnationnelle, de la mécanique de contrôle des phénomènes extrasensoriels. Je me suis instruit énormément des voyages astraux, c'est-à-dire que je me suis enseigné à voyager en astral dès l'âge de 4 ans, qui a fait en sorte que j'ai connu donc l'astral très jeune, donc je n'ai jamais eu peur. Je me suis instruit des illusions dans l'astral. Je me suis instruit que plus j'avais peur, plus c'était dangereux. Donc, moins j'avais peur, c'était là quand même, c'était moins dangereux. On ne leur donnait pas de puissance. Je me suis instruit à reconnaître dans l'astral des farces totales, puis à comprendre cette mécanique-là. Vers l'âge de 11, 12 ans. Mais avant ça, là, pour celui, le Daniel de 4 ans, 4-5 ans, ça prenait quelle forme? Ça avait l'air de quoi? La première chose, quand je me suis apparu devant moi-même, je me suis dit où ma mère cachait les bonbons. Tu te l'as dit? Oui. Parce qu'il fallait absolument que moi, à 4 ans, je fasse confiance à moi qui venais. Quand j'ai commencé à me dire les bonbons sont cachés à telle place, je vais les voir, puis c'est là. Ah ben, tabarouette, tu commençais à me faire confiance. Après ça, j'ai découvert que quand je fouillais dans le bas de l'épicerie, mes parents arrivaient, là, je faisais ça vite, je cachais tout, vite. Et mes parents arrivaient, puis ils me pinçaient. Là, lentement, je commence à me dire, écoute, relax, prends ton temps. Et plus tu vas prendre ton temps, plus tu vas le prendre de temps à rentrer. Je ne croyais pas ça. Quand je faisais ça, lui, il me pinçait. Je fais ça lentement, c'est le fait une autre. Et à un moment donné, ben là, je me suis tellement convaincu que j'ai fini par supporter le stress et me faire pincer, me faire frapper comme il faut, là. Et avant, je tombais à la porte quand il arrivait, parce qu'il me punissait parce que je voulais en prendre, parce que je comptais les mentir. Mais là, la biscuit dans la bouche, la boîte bien main, ça se passe bien ton temps. Puis des crises qu'une boîte difficile à ouvrir, mais aussi compliquée à fermer, les boîtes de métal à l'époque. Fait que c'était long enfermé, ça me fait tout croche, ça faisait du bruit. Puis à un moment donné, ben là, je me suis bien expliqué, je vais avoir 4 ou 5 ans, de prendre mon temps. Alors là, j'entends mes parents qui arrivent, je prends bien mon temps, je ferme la boîte bien comme il faut. Puis la patate, le cœur, il allait en dedans. Puis moi, je me disais, relax, prends ton temps, ça va. Efficacement. Puis là, tout comme il faut, puis je ferme la porte, puis je me lève, puis je m'essuie la bouche, puis ça prend un petit temps, puis là, ma mère ou mon père arrive, puis c'est parfait. Alors, j'ai essayé ça quelques fois par la suite, quand je me le disais, moi, je descendais pour aller me le dire, ça a toujours fonctionné. Bon. Alors, tout ce qu'il y a, c'est que à l'époque, vers ces âges-là, c'était pas moi, je n'avais pas l'impression que c'était moi, j'avais la certitude absolue que si je prenais mon temps, il ne me pincerait pas, puis que si je l'avais, il me pincerait. Ah, fait, c'est pas une voix qui te descend dans non, ta tête. Non, c'est pas une voix. Remarque, ça a trop beaucoup parlé dans ma tête. Ça faisait prendre ton temps. 4 ans, on disait pas une voix de plus, mais j'ai quand même suivi cette voix. Ah bon, tu vois, donc il peut se faire plus qu'une rencontre à la fois. Non, c'est pas ça, c'est que l'astral était là, l'astral parlait. Dépêche! J'entendais ma mère crier, mon père crier. J'avais plein de voix. Et puis, en même temps, ben, j'avais la certitude qu'en étant calme, mais en même temps, c'est clair, c'est comme une voix. C'est clair, c'est relax, mais va lentement, mets le couvercle lentement. Puis là, en même temps, ben là, je prenais le dessus, non, on fait ça vite. Et puis là, je me faisais pincer. Puis là, après ça, quand j'étais en punition, ben là, ça me disait, si ça avait été lentement, dans l'époque, je parlais mal, si ça aurait été lentement, ça aurait été mieux. Okay? Alors, ça, c'est les premières rencontres. Ça, les gens en ont régulièrement parce que les êtres qui se conscientisent se visitent régulièrement. C'est ça, mais c'est quoi la différence? En tant qu'enfant, en tout cas. Oui. Mais c'est quoi la différence entre la conscience qui te dit de ne pas faire une chose? Pas une chose. Ah, c'est la identité. Oui, la conscience, là, est la conscience qui parle aux gens, c'est eux autres. La majorité des êtres humains qu'ils vont vivre, la grande partie de leur conscience, c'est leur culpabilité du passé qui vient leur parler. La majorité des adultes, pas l'enfant. L'adulte, la grande partie de sa conscience, celui qui se conscientise, il va se remonter avec deux consciences. Puis progressivement, il va se diriger vers la conscience de l'intelligence, c'est-à-dire lui, en tant qu'être de notre adresse temporelle, qui vient le lui rencontrer pour lui dire, écoute, mange pas ça, ça donne des résultats cons. Autrement dit, toi, c'est la morale. La conscience du passé, c'est la morale. Oui. Bien, la bonne conscience, la morale, là, mais ce qu'on a dans la religion, le bon distance, là, puis l'autre avec la force à côté, là, ça, c'est le passé. Pour les adultes, ça, c'est le passé qui vient leur parler. C'est toute la culpabilité du passé, souvent, de quelques autres vies, quelquefois, qui vient leur expliquer de ne pas refaire telle chose. Mais c'est pas très juste, donc. Bien, parce qu'en même temps, il y a tout le passé qui vient lui dire que c'est bon en tabarnouche quand tu le fais. Non, même à ça, la morale, à un moment donné, face à l'intelligence, c'est limité. Oh oui, bien, c'est sûr que quand c'est ton intelligence, quand c'est toi intelligemment qui descends te parler, regarde, tu ne peux pas venir te parler du futur que lorsque tu es intelligent. Mais tu peux venir te parler du passé tout le temps. C'est la mémoire incarnationnelle, c'est bref ta mémoire à toi qui, consciemment ou inconsciemment, vient te parler. Alors, tout le monde a eu des contacts. Plusieurs s'en rappellent pas parce que, comme j'expliquais vendredi, la majorité des gens sont manipulés à exclure totalement de leur réalité de vie tout ce qui ne provient pas des sens et du phénomène amique, c'est-à-dire un désir, c'est pas prouvable, mais on y croit parce que les sceptiques ont des désirs. L'amour, c'est pas prouvable, mais on y croit parce que les sceptiques sont capables d'aimer, etc., etc. On faisait juste parler d'avoir une idée de génie, c'est à rencontrer les sceptiques pour leur dire que vous êtes un génie, qu'ils ne vous croiront pas. Mais ils vont vous dire, ouais, t'es un génie, ok, elle m'a donné une idée de génie, c'est ça, hein, capable, hein? Ah, ah. Alors, l'humain bannit ça de lui, alors que moi, étant donné que c'est très, très, très jeune, que j'ai commencé à m'instruire, nécessairement, je n'ai pas banni ces choses-là, c'est évident. Assez que quand quelqu'un, moi, je voyais, par exemple, une fille, puis que j'en parlais, et puis là, on m'expliquait, on me parlait, hein, on essayait de bien m'aider. Et puis c'est immédiat que je me disais, donc moi, je venais me dire tout de suite, écoute, c'est normal qu'ils disent ça, eux autres le voient pas. Bon, puis c'est, je me suis instruit, c'est en très très bas âge, que j'étais totalement différent. Ça m'a permis de jamais avoir de problème avec ma différence. C'est normal pour moi. Tout le monde fumait, puis c'est normal que moi je fume pas. Les autres, ils fument, ils ont besoin de la boute de foin entourée de papier. C'était, moi, ça ne me dérangeait pas, j'étais jeune, puis j'ai jamais eu de problème. Donc, c'est parce que tu as eu des contacts avec toi plus tard? Parce que je me suis instruit. Je me suis éduqué. Et est-ce que donc, ça a été les premiers... Rencontrer le meilleur éducateur. Tu pourrais donner des cours? Ah, je me suis instruit. Ça, c'est mes premiers contacts transtemporels. J'en ai eu d'autres vers l'âge de 8 ans, 12 ans, 14 ans. Des guides de lumière puis des mondes comme ça, j'en ai vu souvent dans ma chambre. C'est là que j'ai appris justement que tu lâches un gros flip et ça se pousse tout de suite et je te donne déjà. Mais je vais demander de faire le ménage. C'est à peu près vers quel âge? Je peux me dire 5 ans? 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. J'avais commencé à faire du yoga vers l'âge de 7 ans. Et puis là, il y a du monde, des grands maîtres du yoga qui sont venus m'expliquer comment je devais faire ceci, faire cela. Alors, ça va, j'ai donc eu des très, très, très bons professeurs, mais ça n'a pas été long, disons, un an et demi, deux ans. Là, j'ai commencé à m'instruire, que faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga et qui en font une religion. C'est là que je me suis instruit que toute technique est bonne à la condition qu'elle s'arrange pour se libérer d'elle-même. Alors que toutes les techniques enseignées actuellement par ceux qui existent s'arrangent pour que tu en sois dépendant le restant de tes jours. Là, les grands bichous qui venaient me voir, c'était justement pour que je sois un yogi. Déjà, j'ai quitté à l'époque une bande d'animés bikini, yogi lourd. Il aurait pu prendre un autre nom. Hein? Ben oui, mais c'est genre de personne yogi. Bon. Alors, je me voyais ça, je suis ici. Là, toi, probablement à cause de ça que j'allais voler des pots de confiture. Là, c'est qui disait de voler des pots de confiture? Non, mais parce que c'est un yogi. Toi, pourquoi là, tu pouvais faire la différence entre une rencontre transtemporelle et puis un bichou? Non. Non, sauf que j'avais la capacité de me reconnaître suffisamment pour me faire confiance. Je faisais beaucoup plus confiance à l'époque. Non, je savais clairement qu'il y a une information qui rentrait chez moi qui, elle, était totalement véridique. Et je savais que, je savais, j'étais conscient, je ne savais pas, j'étais conscient qu'une grande partie de moi fuyait cette parole-là pour vivre d'autres choses. Mais à chaque fois que je faisais des choses pas correctes, moi, je venais me dire, garde. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'il empruntait le manteau de cette époque-là, fait qu'il pouvait se déguiser. Moi, j'empruntais le manteau. C'est ça. Donc, tu pouvais te déguiser en grand-mère, ça ressemble à un bichou, ça? Oui, sauf que, oui, c'est bien que, mais la sortie de là était en affinité avec ce que j'étais. J'étais rusé, tu sais, je me disais ce que je voulais entendre. Ah, OK. Donc, c'était... Parce qu'il y en a qui peuvent dire qu'ils font des rencontres transtemporelles, puis pas ça du tout, là. Non, mais ça, c'est évident qu'il faut dire, avant qu'une personne puisse discerner entre une rencontre transtemporelle et puis une manipulation astrale, c'est une chose. L'important, surtout, c'est que ce soit astral, que ce soit transtemporel, que ce soit supramental, si ça a du sens, ça a du sens. Oui, ça, c'est vrai. Si, que ce soit n'importe qui vient te dire, va te tuer. Écoute, que ce soit, même humainement parlant, un chien te parlerait, puis il a raison. Il a raison. Pas de question, ça c'est un chien, ça. Fait que ta raison, on la rejette, il a raison quand même. Alors j'ai fait ces rencontres-là, mais ça, c'est des rencontres intéressantes. Sauf que ce qui arrive souvent, c'est que l'être humain recherche. Comprenez bien ceci. Le monde actuel, c'est un monde d'illusions, puis dans le monde illusoire actuel, tout ce qui existe ne peut pas être exprimé là-dedans. Et la problématique, c'est que la majorité des animaux humains, des égaux, des êtres transitifs, ont besoin, comme preuve, on parle encore de Bali, ils ont besoin de quelque chose de matériel. Autrement dit, il faut absolument, pour croire, par exemple, qu'un kangourou existe, il faut que tu le vois en photo. Et toi, là, ton monde, c'est un monde de photos. Je t'amène aujourd'hui, il y a un vrai kangourou, là. C'est pas sûr que ça existe. Je te montre une photo. Ah! OK! Là, ça existe. Alors, c'est un peu la même chose. On est dans un monde matériel ici. On parle, par exemple, d'être transtemporel. Ça vient à travers ta tête. C'est pas sûr que ça existe. Il faudrait que ça apparaisse d'un corps en avant. Mais dans un corps physique, l'expression dans un corps physique, c'est l'une des expressions les plus évoluées de l'intelligence. Fait que nous autres, ce qu'on aimerait, c'est que pour croire que ça existe, il faut que ça puisse s'exprimer dans la version endoformique la plus évoluée de l'intelligence. Bon. Alors, le kangourou, il est réel, mais s'il ne croit pas, il faut une photo. Mais ben, l'humain, c'est un peu la même chose. Chaque personne a des contacts avec eux-mêmes qui proviennent de l'avenir ou avec des amis qui proviennent de l'avenir. Et évidemment, il y a tout l'astral qui vient t'amener des contacts faux, mais l'humain pourrait croire, comme tout l'humain, que ça appartient à la matière. Bon. Et... Ça, c'est encore une conspiration de l'astral. Ben, c'est bien. Comme par exemple, juste l'émotion. L'humain ne croit pas à l'émotion si le physique ne vit pas. Autrement dit, est-ce que tu aimes? Non. Mais quand le cœur y va, quand t'as un paquet de sécrétions endocriniennes, là, tu penses que t'aimes. Faut absolument que ça descende au niveau de l'animal pour que l'humain le reconnaisse. Bon. Alors, c'est continuellement comme ça. J'ai une idée géniale. Si elle n'est jamais appliquée, ce n'est jamais une idée géniale. Si elle est appliquée par plante, ce n'est pas une idée géniale. Si elle est appliquée par réussite, c'est une idée géniale. Dès que c'était restrictif, c'est reconnu. Oui. Pour l'animal humain, c'est dommage. Alors, il y a énormément de gens qui reçoivent, qui ont des visites régulières d'eux-mêmes, sauf qu'ils ont la difficulté à les recevoir. Pourquoi? Parce que la réalité de leur monde fait partie de la densification maximale de l'illusion, la matière, les cinq sens. Bon. Il faut comprendre, donc, c'est ça, c'est que le monde en ont. J'ai eu plusieurs visites, j'en ai eu en masse. Mais le monde en ont, des rencontres transtemporelles, c'est régulier. Pas régulier. Les gens n'ont vu. On parle des conscientisés, là. Non, on parle de tout le monde. C'est tout le monde. Il faut faire attention. On parle de ceux qui sont conscientisables. Bon, donc, ils n'ont... Quand je parle de tout le monde, je parle de mon monde. Je parle de tout le monde. Donc, il y en a. Sauf que toi, c'est plus... C'est que moi, je discutais, je m'amusais. Donc, c'est plus dense comme rencontre, toi. Ouais. À un moment donné, par exemple, là, je me suis dit, va à telle place dans la forêt, à tel endroit, puis regarde le ciel pendant tant de temps. Tu te rends compte qu'il passe un météorite au moins aux 15 minutes. Je me suis couché sur un orage, j'ai regardé le ciel, puis demain c'est la nuit, tu sais. Question de. C'est la voix. Et puis là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il passait un météorite au minimum aux 15 minutes. C'est plaisant. Il y a énormément de choses comme ça que j'ai appris plus vite que tout le monde. Pourquoi? Parce que j'avais accès à des personnes qui me connaissaient et qui avaient le goût d'instruire. Il fallait te préparer à quelque chose, là? Ben, il s'arrangeait pour que mon corps physique puisse s'en venir jusqu'à moi en l'an 2000, là. Bon, faut que je me fasse interner avant. Alors, progressivement, à un moment donné, ils m'ont expliqué que les extraterrestres existaient, que je pouvais en rencontrer, que je pouvais en voir. Alors, ce qui fait que vers 1969, à peu près, je suis sorti, je marchais, j'ai regardé, et puis j'ai été suivi par un disque assez gros, de l'école aller jusqu'à chez moi. Ben, il n'était pas 15 pieds, c'était assez haut, là. Donc, c'était géostationnaire, mais il me suivait. Bon. Hein, ben, il me suivait. C'est comme t'avais tête, ça allait de toutes les directions différentes, tu sais, puis je me suivais tout, là, comme la lune elle me suit, souvent, quand je m'en vais en auto, la lune elle me suit. Bon. Mais il me suivait. Bon. Et puis, on est rentré à la maison, moi puis deux de mes amis, qui l'avaient vu aussi, on est ressorti, c'était encore là, finalement, ça a fait trois ou quatre zigzags, ça a fait son temps. À partir de là, moi, j'en ai parlé à l'école, j'en ai parlé aux adultes, pas à mes parents, eux autres étaient déjà trop occupés. J'en ai parlé. Et puis là, on m'a bien expliqué que c'était des illusions d'optique, que c'était peut-être une planète, que c'était... On m'a tout expliqué au complet, que bref, ce que j'avais vu, quoi que ce soit, c'était pas ça. C'était pas ça? C'est simple. Alors là, je suis venu m'instruire tout de suite, tu vois des choses correctes, puis ceux qui n'ont rien vu, t'expliquent ce que tu as vu. Bon. Alors, ça veut dire qu'il y a du monde avec qui tu parles plus, puis il y a du monde avec qui tu pourras parler. C'est clair. Là, on a rencontré un adulte, un professeur, qui était d'accord avec nous autres. On a vibré bien ensemble, jusqu'à temps que l'astral le tue. Bon. Alors, évidemment, il se rue. Et là, j'ai su, je suis venu me dire, ne va plus rencontrer aucun adulte, touche pas aux adultes, parce que les adultes que tu vas toucher vont mourir. Astralement parlant, là, il ne vit pas le temps. Alors, lui, il est mort. Sa femme, elle est revenue des États-Unis après l'avoir incinéré. Il était enceinte. Elle a eu sa petite quelques temps après. Puis finalement, ben là, on s'est arrangé pour se voir. Fait qu'on a plus, j'ai plus eu de contact avec d'adultes. Mais pourquoi tu n'avais pas ces informations-là avant que bon, ça arrive? On les a toujours avant. Mais écoute, moi, je sais, j'avais tellement le goût de rencontrer un adulte pour... moi, des amis, c'était pas un des jeunes. Les jeunes, on ne peut pas rester nulle part. Fait qu'avoir des amis adultes, au moins, on avait des chances de s'ouvrir un monde. Parce qu'autrement dit, tu avais les informations avant. Ça fait partie quand on dit qu'on n'applique pas, là. Donc, tu le savais, mais... Ben, je savais, là, tu sais, ouais. Je suis pas en train de dire que c'est un super. Ah, c'est bon, ouais. Ça fait... Non, mais c'est ça. Alors, par la suite, à un moment donné, dans la forêt... C'était quel âge, là? Là, j'ai 13 ou 14 ans. J'allais souvent à la même place, donc je me disais d'y aller souvent, de préparer le terrain. C'est que j'ai une énergie, j'ai le terrain suffisamment. Et puis, à un moment donné, c'était clair d'aller à telle place, qu'il y avait des grandes possibilités qu'une soucoupe volante vienne. C'est moi qui me le dis, c'est une histoire. Alors, je m'en vais jusque-là, mais je séparais ça un petit peu. Trois, quatre montagnes dans le bois, puis les maringouins, puis les mouches chevreuils qui ne plongent pas, tout ça, ça. Mais là, je me suis dit de me faire un filet papillon, de m'en aller avec mon filet papillon. Quand il y avait des mouches chevreuils, il n'y en a qu'à cinq, quand il ramassait, je mettais son filet à terre, le petit pot. Puis là, après ça, ben là, tu continuais. Et puis, j'avais beau leur dire aux mouches, écoutez, lâchez-moi. Si vous venez après moi, vous allez mourir. C'est idiot, lâchez-moi. Ils ne me lâchaient pas. Ils mouraient. C'est idiot. Et puis, je suis arrivé à une place, et finalement, il y avait une clairière, puis il y avait toutes les traces nécessaires pour prouver qu'il y a eu un vaisseau. En tout cas, qu'il y a eu un objet matériel extrêmement lourd qui est arrivé des airs, qui est venu s'écraser là, qui est venu se poser là, puis qui est reparti. Bon. Mais là, la problématique, c'est qu'en arrivant là, moi, je vois, c'est une place qui n'a pas trop d'arbres. Tout le foin est foulé au complet, c'est relativement rond. C'est suffisamment écrasé. Mais je veux en parler à mes amis. Mes amis sont des sceptiques. Alors là, je décide de rajouter trois pattes. allait se couper. Parce que c'était plus... traditionnellement, ce couple-là, ça atterrit trois pas. C'était ton petit curieux? Mais non. Ils ont trouvé que c'était trop traditionnel. Ils ont trouvé que, tu sais, écoute, c'est un peu tiré par les... Bon. Alors, c'est ça. Mais, vers l'âge de 13-14 ans, je savais déjà que j'étais extraterrestre. Ça, c'est clair. Mais ça a un lien avec la soucoupe? Pourquoi tu as eu toute cette... Pourquoi j'ai rencontré la soucoupe, etc.? Oui. C'est uniquement pour pouvoir expérimenter, au fur et à mesure, expérimenter la présence, effectivement, autre chose que des fées, des farfadets, des gnomes, là, mais qu'il y avait des êtres comme moi, enfin des êtres humanoïdes, du moins matériels, quoi, qui avaient la possibilité de voyager dans l'espace. Je ne connaissais pas le transtemporel à l'époque. Pour moi, tout ce qui était extraterrestre, c'était extraterrestre. Et puis donc, j'ai pu constater qu'il y avait un vaisseau spatial qui était venu atterrir là. Et puis moi, je l'avais mis ici après. Et j'ai su par la suite, parce qu'on m'a fait lire Alice Bailey, puis Mme de Blavatsky, puis d'autres personnes, j'ai su par la suite que la majorité du monde dans le passé vivait, comme vous, vivait des choses bizarres, mais c'était tellement ténu selon la tradition qu'on s'arrange trop souvent après ça pour rajouter ce qui manque pour pouvoir convaincre les autres. C'est là qu'on tombe dans la mystification, et c'est ce qui va faire en sorte que sur 20 points vrais, puis 20 points faux, ça fait 40 points, là c'est puissant, bien là les sceptiques vont attaquer les points qui sont faux, pas des imbéciles les sceptiques, ils sont limités là, mais c'est du monde quand même. Et ils vont attaquer les points faux, et attaquant les points faux, bien ils vont anéantir l'affaire au complet. Alors que c'est bien mieux qu'un miracle simple que d'un gros amancheur là pour convaincre le monde, puis là le monde il n'y embarque pas. Bien, il y en a qui embarquent. Et ceux qui embarquent, c'est pas ça que tu veux. Bon. Et là, toi, c'était pour connaître qu'il y a d'autres réalités, que autre, même physique, là, qu'il y a d'autres... C'est parce que non, c'est parce que je vais rencontrer des extraterrestres plus tard, donc c'est un début. OK, bon. Mais là, tu as 13-14 ans. Oui. Et puis là, mais je savais que j'étais un extraterrestre, et à un point tel que j'en ai parlé à mes amis. Mes amis m'ont pas cru. Alors, il a fallu que je m'arrange pour qu'ils me croient. Et je me suis arrangé pour qu'ils me croient. Ils m'ont cru. Qu'est-ce que tu as fait? Bah, non. En tout cas, ils m'ont cru. Non, ce serait intéressant de savoir. Non. Mais c'est bien. Sauf que, par la suite, un an ou deux après, là, je vivais un problème. C'est qu'eux croyaient que j'étais un extraterrestre grâce à tous les mensonges que je leur ai contés. Que tu veux pas nous compter. D'accord. Mais en plus, j'étais un extraterrestre. Mais ça crée un problème parce que tu es tout obligé d'entretenir des mensonges pour qu'ils sachent qui tu es, alors que tu es ça. Ça leur aurait été mieux de rien compter comme ben mensonge. Oui, comme armure, là. C'est... Mais c'est ça l'idée, là. Et ça, c'est ce qui arrive souvent à travers la vie. Puis là, moi, je me suis bien instruit que tu vois ce que ça donne pour. En tout cas, bref, c'est que tu es obligé d'entretenir ça sans ça, c'est pas une question de croire que c'est extraterrestre, il m'adorait pas. Là. C'est que moi, j'avais un besoin essentiel d'être entouré d'individus croyants aux extraterrestres. Puis eux avaient besoin d'une preuve matérielle. Mais là, toi, extraterrestre, c'était-tu de... C'est extraterrestre. De la gang qui était venue en soucoupe, là. C'est ça. Non, mais moi, je n'étais pas de cette soucoupe-là, je savais que c'était un extraterrestre. Non, je sais, mais eux autres croyaient que... Ils croyaient que j'étais un extraterrestre. Eux autres, c'était des jeunes, ils ne s'étaient pas posé des questions pour savoir l'origine. Ça allait. Ça expliquait, en tout cas pour eux, tous les phénomènes que j'étais. Pas le phénomène, tous les phénomènes que j'étais. Ça expliquait ça. Bon. À un moment donné, c'est correct, il y avait un de mes amis, entre autres, il y avait deux sœurs. Ces deux sœurs-là, c'est parce que ceux qui croient que je ne veux pas que je croie. Alors, eux autres étaient sûrs que j'étais... eux autres, il y avait une émission à l'époque qui jouait, c'était les envahisseurs. Puis eux autres, ben les deux étaient les sauveteurs de la planète Terre, puis moi, j'étais le versant envahisseur. Je les avais sur le dos à Terre de Londres. À l'école aussi, j'étais là, puis en tout cas. Fait que tout le monde a su que j'étais un extraterrestre, mais je me suis arrangé, tout le monde a su que deux sœurs étaient folles. Bon, c'est... Mais, non, écoutez... Mais ça, c'est l'astral, hein? Ces deux sœurs-là, c'est deux filles correctes. Mais, À un moment donné, on se disait, moi je m'étais fait un paquet de déguisements, des fausses moustaches, des perruques, de la barbe, des cossins, des lunettes. On avait volé le manteau du père d'un de mes chums, le chapeau du père d'un autre, quitte à des maquillages de ma soeur. On allait chez les barbiers, on ramassait les cheveux pour faire des perruques, des barbes. Puis là, tout bien déguisé, on allait, on passait le bénin, évidemment. Tout bien déguisé, on allait dans les magasins, on allait, c'est correct, ça passait bien. Puis là, il y avait un grand champ dans le coin de chez nous. Et puis là, nos deux valises de déguisement, on avait décidé de ne pas les laisser dans le garage où j'avais mon laboratoire, ni chez une de mes amies. On a peur que la famille trouve leurs affaires dans nos valises. Bon. Alors, on est allé dans le champ assez loin, on a creusé un trou près d'un bosquet, puis on a enterré nos valises là, qu'une planche de bois par-dessus de terre, du gazon. Mais ça servait à quoi, ces déguisements? Mais nous, par année, on allait ramasser les valises, puis je ne te compte pas quoi ça servait parce que ça donne des mauvaises idées. Mais c'est bon. C'est vraiment le fun. Ça va faire l'émission impossible, tu sais. Et puis, à un moment donné, ben là, à travers le grand champ, il y a deux jeunes filles qui sont parties en courant, qui ont piqué en diagonale à travers le champ. Puis, il y en a une qui s'est enfargée dans un amancheur. Puis, ils ont ouvert ça. Il y avait une planche de bois. Ils ont ouvert ça. Il y avait deux valises de déguisement. C'est deux heures à mon champ, justement. Puis, à un moment donné, eux autres sont venus nous dire qu'ils avaient trouvé dans le champ, je ne sais pas si on est au courant, mais il y a du monde dangereux dans le coin parce qu'ils ont trouvé deux valises de déguisement comme dans Mission Impossible. Là, moi, de mon champ, on était là. Faites aux deux valises. On ne t'a pas voulu le dire. En plus, ta sœur n'a jamais eu son maquillage. Non, elle a si tard que j'avais piqué ses affaires, qu'elle n'a pas aimé sûrement ça. Elle se maquillait pas souvent. Ben oui, elle n'avait rien acheté d'autre. Puis moi, ben, je passais mon temps à fouiller voir les nouvelles couleurs, puis les nouvelles affaires. En tout cas. Mais c'était bien. Mais l'astral faisait en sorte que ces deux-là étaient réellement, effectivement, toujours après moi. En plus, ils étaient en amour. Une grosse et une grande main. C'est vrai, hein? C'est vrai. Noël est hardi. Ah oui, mais en féminin. C'est bien pire. Pas de quoi. Donc ici, t'es toujours en train d'espionner. Les autres, ils se trouvent ici. Ils sont partout sur la planète. Fait que je te trouve suivi. Mais ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, j'ai commencé les transports thérapeutiques vers l'âge de... Non, un peu avant. Bon, le transport thérapeutique, c'est... tu vas rejoindre les êtres transtemporels. C'est ça. Transport thérapeutique, c'est que là, je voyage à travers le temps ou à travers l'espace, mais dans une réalité non colorée par l'astral. Ce que je rencontre dans un transport thérapeutique, c'est uniquement de l'expression d'intelligence. Il n'y a pas d'astralité là-dedans. C'est à partir de quel âge que tu as commencé à faire ça? Ben, disons que je savais que c'était ça, là, que moi, je pouvais me déplacer vers l'âge de 16-17 ans, probablement. Ah non, c'est venu un peu plus tard. Oui. Bon, là, tu as 14 ans, là. Oui. Je manipule l'astral à mon goût. Oui, puis là, tu rencontres... J'ai appris plein de choses qu'aujourd'hui, je fais de moins en moins, mais que je devrais refaire de plus en plus. Pas de la même façon. Et manipuler l'astral, je jouais avec la forme comme je voulais, c'était parfait. Je m'amusais avec un de mes amis, on se cachait, puis là, on regardait du monde qui marchait sur la rue, puis on les faisait... On n'est pas détectable. C'est moi qui m'instruisais. C'est sûr que c'est des affaires de jeunes, mais écoutez, j'avais pas d'académie PMC, moi, là, pour apprendre. Hein. Mais, alors, j'y allais sur le tas. Et puis, comment être invisible, par exemple, ben, c'est simple, c'est que les gens te voient avec les yeux, mais les gens te mémorisent avec l'astral. Si tu n'aimais rien astralement, les gens te voient avec les yeux, mais les gens ont l'impression que tu es un meuble. Alors, théorie numéro 24, on rentre dans un dépanneur, on va se chercher des carnets, des popsicles, on pense à rien, puis on sort. Pas de problème. Alors, pratique numéro 25, on rentre dans un autobus de la commission de transport, à l'époque, et puis on rentre, on s'assoit, le chauffeur, lui, il fait partie du monde, on passe, puis il continue, puis il nous a pas vu. Fait que là, on s'est dit, hey, c'est rentable en tabarnouche. Mais immédiatement, le karma a commencé à s'imposer. C'est maudites affaires, ça. Là, ça allait si bien. C'est ça, tout de suite, une communication transtemporelle qui fait que tu as commencé ça. Moi, je suis venu m'expliquer que ce que j'apprenais, c'était pas pour... Il y a des... Je connaissais pas toute l'affaire. Je m'expliquais ça spirituellement. J'étais à la hauteur de mon émancipation parce que j'avais des réincarnations relativement spirituelles du passé. Alors, je m'expliquais qu'il y a des choses comme ça qui se font pas, puis qu'on ne peut pas acquérir certaines mécaniques comme ça, dans le but de... c'est pas de voler, c'est dans le but, pas dans le but. Mais en se servant de ces choses-là, Si tu appauvris l'extérieur, c'est pas correct. Ben, c'est inécologique. Mais c'est ça. Ben, à l'époque, c'était pas correct. C'est un début. Mais inécologique, c'est venu 10 ans après. Tu sais. C'était pas correct. Alors, que je prenne un popsicle, ça dérange pas s'il en apparaît un autre. Mais le gars, lui, il l'a acheté, le gars, il en vend, puis le gars, il en manque. Bon. Alors, c'était ça. Ça, c'était pas correct. Bon. Sauf si je suis en train de mourir de faim, mais là, on m'expliquait qu'un popsicle, c'est pas ce qui est venu. OK. Bon. Alors, progressivement, j'ai fait plusieurs choses de ce genre-là. J'ai développé ma vision à travers les obstacles. Je voyais donc à travers les murs. Comment tu as développé tes autres sens? C'est ça, oui. J'ai commencé à faire des voyages astraux vers l'âge de 9 ans. J'en faisais fréquemment et régulièrement. Vers 14-16 ans, mes voyages astraux étaient surtout dirigés vers le Vatican. Puis vers le triangle des Bermudes, vers des endroits où... Bref, où tu ne fallais pas aller, j'étais là. Autrement dit, la mécanique transtemporelle, ben toi, tu viens te voir, t'enseignes des choses, te laisses t'amuser, repars, viens... Moi, je commençais, mais oui, évidemment, j'instruisais mes amis. À un moment donné, j'ai pris trois de mes amis, puis on a fait un voyage astral ensemble. On est allé d'une place parce qu'il y avait eu un écrasement d'avion, un avion qui avait été descendu par une soucoupe volante, par un accident, il s'était frappé. Alors, on est allé, la soucoupe est tombée dans l'eau, près de la Floride, et puis là, on s'est dirigé là, dans l'astral. Mais là, c'est la première fois que j'amenais des amis avec moi. Puis eux, quand ils sont revenus, ils étaient encore tout chambranlés. C'est bon, c'était fonctionnel. Et puis, j'ai commencé, j'ai guéri du monde. Et c'est toutes des choses que j'essaie de faire à un moment donné parce que c'était très, très, très dangereux. Bon, en même ça m'amène... Je me faisais ramasser par tout le monde. Tu le faisais par les autres, par l'astral des autres? Ouais, une de mes tantes, surtout. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, c'est parce que là, à un moment donné, ben, c'est un peu comme si tu tires aux cartes, après ça, tu peux rencontrer une personne sans que... Tu t'es à rose! Non, je n'ai pas amené. Mais moi, j'ai mis, tu sais, j'étais obligé de tirer pareil. Bon, ben là, à un moment donné, tout le monde était malade. Tout le monde le fait athlétiser, tout le monde le fait tirer une ligne de main, tout le monde, là, c'est à la puissance. Là, tu as parlé des rencontres transtemporelles, des rencontres aussi avec des extraterrestres. Ben, j'ai eu d'autres. Oui, mais là, on est rendu juste bon, à 14 ans. T'as-tu des rencontres avec des mémoires incarnationnelles? Bon, vers 15-16 ans, je commence à savoir que je suis probablement le frère de Jésus. Et ça me plaît pas. Quoi, tu voulais être Jésus? Ou? Non, je veux rien être de ça, moi, là. Ça me plaît, mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et non, pour la simple raison que ça... Bon, là, je savais, en voyage, je savais que Jésus avait eu plusieurs frères, même eu des sœurs, et puis... voyage astral? Pour moi, c'était correct, oui, c'est ça. Pour moi, c'était correct, et ça se pouvait. Bon, puis j'étais son frère, en point de vue réincarnationnel, tu sais, je n'étais pas un enflé, là. Sauf que ça ne me tentait pas, parce que, donc, inconsciemment, j'avais déjà des idées de ce que j'avais été dans la réalité, puis de ce que l'astral me réservait dans l'avenir. Vers 16-17 ans, c'est clair que je suis le fils de Dieu dans le sens que le Nazaréen parlait, que je suis le frère de Jésus, ou le fils de Jésus, ça avait changé. Alors, ce qui fait que, de temps en temps, j'essayais par transport séraphique, c'est-à-dire par transport séraphique, de rejoindre soit Jésus, qui était mon frère, mon père. Quand tu dis que ça a changé, pourquoi ça a changé? Ben, à un moment donné, ça a changé. Tu réincarnes d'autres choses? Ou... Non, c'est que lentement, j'étais en train de on m'ajustait. Ok, ça se précisait pour toi. C'est ça. Donc, en transport séraphique, tu as voulu entrer en contact avec Jésus? Ben, je voulais, pas avec Jésus, ben, avec mon père, pour aller voir c'était quoi l'affaire, tu sais, pour que je le savoir. Parce que j'avais des... Premièrement, parce que je pouvais partout, fait que je voulais aller voir là aussi. Alors, à un moment donné, je me suis ramassé là, sur différentes montagnes, puis il y avait des Nazaréens qui se promenaient. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des apôtres. Il y avait des apôtres, puis il y avait des têtus. Il y avait plus de têtus que d'apôtres, en tout cas. Puis il y avait des femmes qui étaient apôtres. C'était bien différent de ce que j'avais lu la Bible quand j'étais très, très jeune, pour voir un peu le Nouveau Testament. L'Ancien Testament m'a jamais intéressé. Le passé m'intéresse pas trop, mais le super passé, ça m'intéresse moins. Alors, l'Évangile, c'était pas pire. Là, je voyais Luc, je voyais ci, je voyais ça, puis je me rendais compte d'un paquet de choses que je trouvais original. C'était comique. Et puis là, j'ai vu ces trucs-là, puis progressivement, à un moment donné, j'ai décidé, dans le contexte actuel, là, je devais avoir 18, 19 ou 20 ans, je ne me rappelle plus trop. Mais comment ça s'est passé, là, ton transpanséraphique avec Jésus? Hein? Ben, je me suis retrouvé simplement là, comme tout le monde, là, mais dans un autre corps. Ah, dans un autre corps? C'est ça. J'étais donc un des disciples. Et j'étais très jeune, ça fait que ça pouvait confirmer que j'étais peut-être son fils. Et puis, il y avait une vingtaine de Marie-Madeleine. Mais en tout cas, le placard de Bernadette. Puis, c'était plein de monde. J'étais carrément là, là, avec les armes, les odeurs. Et il y avait surtout des odeurs, remarque, à l'époque. Mais, c'est ça, Mais t'es-tu là, si tu dis il y a des odeurs, t'es-tu là avec ta conscience? Non, j'étais là physiquement, comme je suis là aujourd'hui devant vous, là. Oui, c'est ça, mais avec ta conscience d'aujourd'hui? Oui. Ça veut dire que si tu perçois l'odeur... C'était moi, le jeune de 14, 15, 16 ans qui était là. Puis, tu pensais à une journée ordinaire, là? Oui, c'était une journée ordinaire. J'avais déjà voyagé à plusieurs places, j'avais déjà visité plusieurs choses. Alors, j'étais totalement là. Qu'est-ce qui arrive avec le disciple que tu as investi comme ça? Peut-être qu'il n'existait pas. Un corps serait apparu? C'est possible. Mais je m'en balance. À l'époque, j'ai dit, moi, j'avais des yeux et des bras, moi, pour pouvoir... c'était correct. Et puis, j'ai vu ces choses-là, j'ai voyagé un peu. Et tu parlais à du monde, là? Oh, oui, j'ai parlé. Je comprends, j'ai parlé. Moi, ça me demande si j'ai parlé. C'est bien évident. T'aurais dû me demander à la place à t'écouter. T'as-tu parlé à Jésus? Oui. Ben, on s'est fait peur. Vous êtes battu dans le Jourdain, non? Non. En tout cas, moi, on s'est regardé, puis j'ai su que je savais rien, puis que je savais tout ce que je savais pas. Tu sais, il y a une espèce de conjoncture où ce que tu comprends plus rien. Tu sais, dans le genre, tu le sais. Ah, je le sais, oui. Qu'est-ce que je sais? Tu le sais ce que tu sais. Ouais. C'est... Ça vaut la peine d'aller là, hein? En tout cas. Bref, donc, je suis revenu. Et puis, plus loin, ben là, j'ai décidé de rencontrer Dieu, de rencontrer Jésus, de rencontrer le diable dans le bois. Et puis, c'est là que j'ai su que j'étais autre chose que le fils ou le frère. Mais, du point de vue religieux réincarnationnel. Donc, après cette expérience-là, là, tu as décidé d'aller dans le bois rencontrer Dieu? Bon, là, c'est l'hiver. Il neigeait plus, c'est moi qui décidais. Mais j'avais déjà contrôlé des nuages avant, puis des choses comme ça. Ça fait que c'était pas nouveau, ça, non? Et puis, là, j'ai arraché un arbre, un petit coup de pied, un gros arbre, tu sais. Ça, c'était nouveau un peu. Et puis, mais j'avais lu Astérix, tu sais, j'avais des mémoires pour m'aider à comprendre. Peut-être que je suis tombé d'une potion, puis je ne savais pas. Ça n'a jamais refonctionné après. Mais en tout cas. Mais sur le coup, c'était pour te dire quoi, ça, de ta façon? Mais maintenant, j'en suis écœuré, puis à un moment donné, tu t'en vas dans le bois, puis tu dis, là, écoutez-moi tout, là. Tu sais, c'est supposé être ça, mais avec une énergie particulière. C'est pas un ego qui va là. C'est pas n'importe qui. Puis là, ben là, c'est simple, là, il faut absolument que je vois ça, que se passe ça, bon, c'est banal, c'est ça. Fait que là, c'est ce qui m'a crié. C'est moi qui parlais, évidemment. Et puis, il y avait quelqu'un là comme témoin. Il y avait plusieurs témoins, mais il y en avait surtout un que j'avais amené. Les autres, c'était du monde qui restait dans un chalet. Et puis là, je priais, ça allait par là. Dieu répond pas, Jésus répond pas, il n'y a personne qui répond. Fait que j'entends le diable. Okay, le diable a répondu, lui. En voulait au moins un. Il était plus proche, les autres. Ah, le diable, c'est beaucoup plus près de la matière, donc c'est plus facile à faire ce fois-là. Ok, tu t'en allais rencontrer les trois en même temps, là. Non, le diable, j'en voulais pas, moi, c'était Dieu, je voulais voir. C'est Dieu. Quand j'étais jeune, j'ai déjà exigé de voir la face de Dieu. Et maintenant, j'ai vu sa face. Ça a pris toute la place, en tout cas, c'était énorme, une face. Puis là, ça a disparu. Puis là, c'était clair. Es-tu content, tu l'as vu? Je dis, ouais, ben. Ben, je pas vu. Puis, bref, c'est ça, mais ça, c'est moi. Alors, j'exigeais clairement, mais j'étais correct. Et puis, il s'est mis à neiger. Fait que là, j'ai décidé qu'il ne neigeait plus. Ça a cessé de neiger. Puis là, ben là, l'astral, je ne sors rien en même temps. Ok, c'est toujours le diable là, qui fait ça. Pas encore. Et puis là, je veux qu'il neige, parce que tu sais, tu décides qu'il neige plus, il arrête de neiger, tu dis quelle coïncidence. Fait que là, je veux qu'il neige, il se met à neiger, oh, quelle coïncidence. Je veux qu'il neige plus, ça arrête encore, tabarnouche, là, avec moi. Tu sais, il m'a amené. Après ça, tu fais 7 fois de fil. Fait que j'étais bien synchronisé, ou bien non, je contrôle le pied. Et puis, à un moment donné, ben là, j'ai appelé Satan, puis Satan m'a dit, je peux pas te parler, il faudrait que je prenne ton corps pour utiliser ton centre laryngé pour parler. Fait que là, j'ai dit oui, puis en même temps que je disais oui, ben là, je suis venu, moi, m'instruire très rapidement. C'est pas ça, le cas. Ça pressait, oui. C'est ça. Fait qu'immédiatement, je me suis mis à crier très fort. Non, puis tu sais, si tu prends un arbre, tu peux parler, tu sais, ben, il est bon. Et puis là, ça n'a pas parlé, mais l'atmosphère était là. Et puis là, j'ai changé de corde, puis là, j'ai organisé le terrain au complet, puis c'est devenu lumineux, j'ai blanc, puis on voyait clair. Puis bref, je me suis amusé comme ça. Puis là, finalement, j'ai vu une possibilité de l'un de mes avenirs où j'étais seul à marcher dans les airs au-dessus de milliers, en tout cas, plein de monde, je n'ai pas compté. Tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde me regarde. Moi, je marche au-dessus de tout le monde puis je broye comme un bon. Alors, ça, c'était une possibilité. Bref, ça, c'est un ajustement émotif suite à ta réincarnation, évidemment. Donc, à partir de ce moment donné-là, je ne voulais pas être ce que je savais être. Qui était? Qui était moi, mais qui était la réincarnation de Jésus, l'enfant, pas le Christ, puis qui était la réincarnation d'un paquet d'autres personnages qui avaient fait un paquet de choses, puis que finalement, tout le monde t'aime uniquement pour ce que tu leur amènes, mais le monde n'a rien à foutre de toi, finalement. Bon. Parce que c'est ce qu'il a vécu, lui, dans sa vie, là. Pas émotivement. Jésus, oui, mais pas le Nazaréen. Alors, ce qui fait que ça, c'était réglé pour moi, là, je savais ce que j'étais, puis je savais ce que je voulais pas être. C'est clair? Par la suite, j'ai rencontré des extraterrestres, mais... Mais là, moi, c'est pas clair pour moi, ça. Je savais ce que t'étais, mais je savais ce que tu voulais pas être. Ben, je voulais pas être ce que j'étais. Non, mais c'était pas avancé bien dans ce temps-là. Non, mais je savais ce que j'étais, mais je savais ce que je voulais pas être. Et puis, ça a pris 10 ou 15 ans avant que je finisse par digérer totalement les mécaniques réincarnationnelles puis m'instruire différemment du fait que c'est pas parce qu'on réincarne quelqu'un qu'on est lui ou qu'on est elle. Et c'est ça que c'est. Aujourd'hui, je sais en plus que je le vis à travers le temps en même temps. Donc, c'est même pas un problème. Si je réincarne pas Jésus, c'est là-bas, là, il y a quelqu'un qui se sert de mon corps. Bon, moi, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans, j'ai 8 ans, dépendamment d'où je m'en viens, on se sert de mon corps. Bon, il veut s'en servir, ça ne me dérange pas. Maintenant, je suis conscient, je peux y prêter plus facilement. Fait que Jésus, j'existe moins. Mais je vais y prêter, mais les alliances qu'on va faire, c'est pas faire avec lui, faire avec moi. Je suis le tuteur de Jésus en la moins 7. Puis, dans l'avenir, on fait la même chose. Puis, Daniel, de 2000, est ton tuteur à toi? De moins en moins, c'est plus... Non, ça fait longtemps. Daniel, de 2000, n'est plus mon tuteur à moi, parce que présentement, mon tuteur à moi, il est totalement en avance dans le temps. Le Daniel de 2000 était le tuteur du Daniel de quand j'étais jeune, là, physiquement. De ce dont tu nous as parlé, non? C'est ça. Aujourd'hui, je suis mon propre tuteur dans ce qui concerne le temps, avec un contact assez performant avec ce que je suis ailleurs. Et ce que je suis ailleurs est plus jeune que ce que je suis ici. Oui, mais ça ne doit pas avoir d'incidence, l'âge, à ce moment-là. Ça a une incidence, oui, parce que pour plusieurs personnes, ils vont vivre la même chose. Puis là, je vous compte tout ça parce que vous allez vivre des choses. Alors, c'est important, c'est intéressant pour moi que vous puissiez préparer vos égos. On ne vit pas toute la vie de l'autre, puis ça, c'est bien évident. Mais ce qui arrive simplement, c'est que actuellement, je ne suis pas... En tout cas, bref, ce que tu vois actuellement, c'est absolument pas ça que tu vas connaître dans quelques années. En ce qui te concerne. C'est ça. Donc, c'est exactement comme si j'étais en transition dans un monde ou dans un corps. Même au point de vue physique, là. C'est ça. Surtout au point de vue physique. Autrement dit, ça va se diversifier. Oui. Il y a bien des choses qui vont changer. Ce qui fait que ça a une incidence. Pourquoi? Parce qu'au niveau astral, étant donné que j'ai de l'information, je suis totalement en contact avec moi-même, je me suis en contact. Il faut... changer un peu le vocabulaire français, la phraséologisation. Je suis pas en contact avec moi, c'est moi. Je me suis en contact, c'est bon. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a dans l'astralité des balises qui sont laissées, puis ces balises-là sont récupérées au niveau de l'astral, puis nécessairement ça crée des incidences au niveau de l'émotivité. Ce qui fait qu'il y a des individus qui se rendent compte que je ne suis pas toujours ce que je suis, justement à cause de ça. Et puis, de temps en temps, même moi, au niveau de ce que moi, je veux exprimer, il y a des petites... il y a des désynchronisations qui se font de temps en temps. C'est-à-dire que tu seras jamais refroidi? Ben moi, je ne suis jamais refroidi. Mais si tu dis dans l'expression actuelle, là, que tu n'es pas toujours... Non, je ne suis jamais refroidi, mais je suis pas encore assez chaud. Ah, OK. Donc, tu vas t'élever d'un octave? Ah, c'est... Non, moi, je change carrément d'instrument. Ça, tu es en contact avec quel... Oui, je sais, mais il y a une époque? Oui, l'époque, c'est... je suis en contact avec plusieurs moi-même. La partie la plus claire, ça dépend toujours des moments et des temps, mais la partie la plus claire, c'est en l'an 3000... autour de l'an 3248. mais ça change. Parce que le contact n'est pas, je suis pas branché dans un phénomène du temps, au niveau de ça. Souvent, l'an 2147, c'est fréquent, je suis bon, que je suis relié là. Puis, plusieurs autres dates dans l'an 2000. Dans 2007, pas 2007. Alors, je suis relié donc à travers différents temps. Et puis, il y a des branches qui sont reliées à l'an 30 000. C'est différentes époques-là. Bon, pour que tu sois relié, c'est toutes des époques charnières. Oui. Exact. Transport séraphique, les premiers transports séraphiques que j'ai faits, ça, c'est une chose qui se fait régulièrement, que je fais régulièrement, c'est de me déplacer à travers un canal. Le canal, je le vois bien. Il y a des mécaniques. J'en parle présentement, donc, c'est que probablement qu'à un moment donné, on va pouvoir instruire les gens un peu de quelle façon ils peuvent le faire. Comme c'est évident que d'ici quelques temps, je vais devoir former des individus pour qu'ils puissent retourner dans le passé s'instruire. Pour immédiatement s'empêcher de faire des conneries qui les nuisent aujourd'hui. Bon. Plus on en parle, plus le terrain est prêt, plus, à un moment donné, on va être capable d'ajuster au 20e siècle une théorie, donc, de l'instruction pour permettre aux gens d'arriver à cette pratique-là. Bon. Transport séraphique que je fais, j'ai voyagé ailleurs dans le temps. J'ai voyagé ailleurs aussi dans l'espace. Je peux, tu le sais, tu étais là, prendre un ensemble d'individus puis les amener en transport séraphique, matériellement, le corps et tout, dans le temps. Dans le passé jusqu'à date, je n'ai pas essayé dans l'avenir. Bon, soit parce que les gens auront trop de problèmes, ou soit parce que ça peut donner comme ça, ou soit parce que je ne veux pas, ou parce que je ne peux pas vouloir. Mais on a voyagé dans le passé, une trentaine de personnes à la fois, ce qui fait que ça va bien pour ça. Il y a des choses qui vont se faire, qui doivent se faire, mais... Mais là, nous, quand on le fait, là, on n'a pas instruit, on a visité. Vous autres avez juste visité. Mais toi, avec nous... aussi, on a tous visité ensemble. C'est-à-dire que moi, je vous ai amené là où j'avais déjà été. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de voir la capacité que j'avais d'être capable de déplacer 35, 30, 30, 34 personnes pendant une heure et demie dans le temps. Ça, maintenant, est-ce qu'on peut faire la même chose, mais en instruisant? Bien, c'est ce qu'il va falloir probablement de plus en plus faire, développer des individus qui auront la capacité de retourner dans le passé pour aller s'instruire. Mais en groupe, je parle. Oh, oui, c'est ça. En groupe ou individuellement. Que jusqu'où il faut aller dans le passé pour que ça commence à... Ça, c'est une question qui ne se répond pas. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir. Ça dépend simplement de la qualité de l'intervention à travers le passé. C'est pas... Présentement, je connais une personne qui passe son temps à voyager. Elle est en contact régulier avec Adam Smith. Elle est en contact régulier avec Lancelot. Elle est en contact avec différents personnages qu'on écoute dans des mondes parallèles, dont Yves Noé. Donc, elle réinstruit ces gens-là sans arrêt, ce qui fait que Lancelot a toujours été le maître de la soustraction. Il s'est soustrait à tout, lui, là, tout poussé. Alors, présentement, la personne, elle, inconsciemment, elle instruit de plus en plus Lancelot à être un individu qui va cesser de sacrer son camp quand c'est le temps qu'il soit là. Bon. Et nécessairement, Lazare, qui était Lancelot, Lazare aussi s'est toujours poussé quand c'était pas le temps. Quand ça commençait à être chaud un peu, Lazare il disparaissait, il allait en méditation. Bon. Lancelot, lui, quand ça commençait à être le temps d'être là, ben là, il allait en culpabilisation dans la forêt. Bon. Il allait en méditation, lui aussi. Alors, présentement, le personnage qui est en contact avec eux, qui ne le sait pas clairement, est de moins en moins habilité à vivre ça, la fuite, alors que jusque là, 6 mois, il était un être à fuite. Il y a donc plusieurs personnes qui font ce travail. Ça dépend de la qualité de l'intervention. Oui, je comprends. La chose là-dedans, est-ce qu'il va avoir besoin d'aller plus loin que Lazare? Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin que cette époque-là. Non, pourquoi? Parce que les êtres qui se conscientisent ici, la majorité d'entre vous, à quelques rares exceptions, nous sommes arrivés dans le contexte temporel. C'est-à-dire que, je vais dessiner, bon, on a le cheminement temporel, on a moins 400 000 ans, par exemple, les Atlantéens, etc. On a 400 000 ans en avant, puis on va dire l'ère du Nazaréen au milieu. La majorité des êtres qui se conscientisent sont arrivés à peu près à cette époque-là ici, et ils vivent quelque part dans le temps comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un futur très, très, très loin qui ne nous concerne pas, on n'a pas d'expérience de vie là-dedans. Il y a un passé très, très loin, une adresse temporelle très, très loin, où on n'a rien. C'est évident que les véhicules organiques qu'on utilise ont, eux, un vécu antérieur, un vécu beaucoup plus astralisé qu'animalisé. Mais nous autres, en tant qu'êtres de conscience, on s'implante quelque part dans le temps, peut-être en l'an moins 100, moins 200, moins 500, rarement avant ça. Maintenant, c'est évident que si on regarde, il y a eu David, il y a eu plusieurs autres personnages un peu plus loin, qui rebondissaient jusqu'à l'époque du Nazaréen. Moi, dans ce que je vis, c'est-à-dire que Jésus rendu à un moment donné, là, Jésus, il se met à vivre et il vit David. Il vit d'autres personnages par réincarnation. Donc, ce n'est pas des réincarnations génétiques, c'est des réincarnations énergétiques. Il vit des personnages. Puis, à un moment donné, moi, dans toute ma structure au complet, je viens descendre dans le temps pour ajuster une expérience. Puis, je commence dans le temps de Jésus, un peu avant sa gestation. Donc, j'arrive en même temps que Gabriel. Et ce que lui a vécu avant, bien, lui, ça finit presque là. Puis, moi, je repars de là, puis on s'en va dans le temps. À un moment donné, moi, je finis là, puis il y a des mélanges qui sont à un autre niveau, ça part plus loin. Mais jusqu'où? C'est 400 000 ans? Parce que c'est avant ça, l'autre. C'est bien 400 000 ans, c'est de Jésus jusqu'à 400 000 ans, l'autre époque? À peu près de Jésus aller jusqu'à 400 000 ans par en avant. Ah oui? Ça fait que l'an 3000 ici, l'an 400 000, là. Bon, à peu près. Mais là, évidemment, les chiffres, on s'en balance. Les fluctuations temporelles changent complètement. Parce que rendu à un certain niveau, on ne compte plus les années de la même façon. Mais à l'intérieur du 400 000 ans. Oui. Sur le 400 000 ans, là, ça donne une idée terrestre là, actuelle, là, mais c'est vraiment pas... ça n'a vraiment rien à voir. Donc, pour faire l'instruction dans le passé, donc jusqu'à l'époque du Nazaréen, c'est au moyen du voyage séraphique, du transport séraphique. Oui. C'est ça. Les extraterrestres, on en parlait un petit peu. Oui, oui. Okay, donc là, tu auras fait des rencontres transtemporelles, tu as fait des rencontres avec des mémoires réincarnationnelles. Mm-hmm. On a parlé de celle de Jésus. Puis en même temps, tu rencontrais... C'est-à-dire que j'ai rencontré Krishnamurti dans mon voyage réincarnationnel. Il était encore en vie à l'époque, mais il s'en allait. J'ai rencontré Arthur. Mais c'est Arthur que j'ai rencontré, je devais avoir 4 ou 5 ans. Bon, ça c'est Arthur, c'est extrêmement longtemps. Robert Loffley, dans un monde parallèle, je l'ai rencontré aussi à peu près. Puis Richard de Plantagenet, Richard Cœur de Lion. Ça aussi, quand je les ai rencontrés au niveau réincarnationnel, c'était très. Tu vas avoir 7, 8, 9 ans pour certains. Puis ça se faisait comment cette rencontre-là? Bien, ça se faisait que je me ramassais avec une épée, je me ramassais une gang, une armée, puis on allait casser la gueule où je taillais. Donc, c'est pas besoin d'être fait d'une manière consciente, là. C'est-à-dire que non, mais moi, j'étais soit le roi Arthur, qui allait, tu sais, je jouais totalement le phénomène, puis j'avais rien lu là-dessus encore. Mais le nom te venait-tu? Oui, le c'était clair. Mais j'avais lu, mettons, un truc ou deux, là, à un moment donné, où tu vois une petite émission, puis ça change toute ta vie de jeune, là, c'est ça. Robin Desbois, c'est la même chose. Robin de Loffley. Mais j'ai connu le nom Robin de Loffley, puis j'ai appris qu'il s'appelait Robin de Loffley peut-être 10 ou 15 ans plus tard. C'était Robin Desbois, mais moi, je savais que c'était Robin de Loffley. Richard de Plantagenet, c'est la même chose. Tout le monde parlait de Richard Cœur de Lion, mais moi, je savais que c'était Richard de Plantagenet. Bon, alors, nécessairement, j'avais mes affaires. Et puis, j'avais des dissonances cognitives, parce que pendant que je voulais taper la gueule aux Italiens, il y avait Robin Desbois à l'intérieur de moi qui voulait défendre les Italiens. Mais c'est moi qui tu sais, c'est compliqué pour moi. Mais Jésus qui ne peut pas être d'accord. Après, ailleurs, ça. Mais Jésus est arrivé plus tard. Moi, j'ai du temps comme ça. Et puis, j'ai eu d'autres personnages à travers le temps que j'ai connus. Et par la suite, j'ai rencontré des individus, des jeunes, que je savais qu'eux autres étaient des personnes avec qui j'avais déjà vécu. Et eux le savaient aussi. Fait qu'on a pu jouer un bout de temps ensemble. Jusqu'à temps qu'ils se fassent ramasser. Alors, ramasser, c'est pas vrai. Massacrer. Par la vie. Mais toi, tu veux dire jeune, là, quand tu avais 8 ans, tu rencontrais des individus. Bon, il y en a un très intéressant, lui, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils ont déjà écrit juste son corps physique. Mais l'astral... Oui. Alors, il est mort. Et puis, les autres sont morts, mais leur corps physique est toujours vivant. Je l'ai rencontré un dernièrement, puis grosse bedaine, tout croche, en tout cas, une manchure, là. C'est un véhicule humanoïde bizarre. Douteux. Ça, le nombril précède, tu sais, là. Bon. Mais, puis la tête est légèrement décalée sur les fesses. Il y a une anatomie vraiment particulière. Il déambule de façon burlesque, mais c'était un gars en pleine forme, en parfaite santé, bien correct, mais un jeune. L'adolescence, c'est un neuf. On devrait interdire ça. Mais c'est ça. Alors, par la suite, j'ai rencontré des extraterrestres. Première rencontre, j'étais simplement suivi en ville, dans le bois. J'étais suivi par des extraterrestres ou des intraterrestres. Maintenant, je sais que c'est des intraterrestres. Là, présentement, je parle d'extraterrestres. À l'époque, ça, tout était extraterrestre. OK, mais c'était... Transtemporel, c'est extraterrestre. C'est l'extraterrestre, c'est l'extraterrestre, c'est l'extraterrestre, c'est l'extraterrestre. Alors, j'étais suivi. Et puis, à un moment donné, il y a un bonhomme que j'ai rencontré qui est très intéressant. Là, je devais avoir 19 ans. Puis lui, il m'a expliqué clairement, à un moment donné, tout le phénomène des hommes en noir, des hommes en gris, les dangers que moi je représente pour la planète, de pourquoi ils voudront m'éliminer, de pourquoi ce que j'amène sur la planète Terre va être contré par toutes les forces secrètes, la GRC, la CIA, le FBI, le deuxième bureau, et toute la quête de Scotland Yard, maison, les renseignements, tout. Tout ça va être contré au maximum parce que je suis un danger majeur, parce que je prouve à la jeunesse, c'est dans ce langage à lui, que la jeunesse est capable de faire de remodeler la planète au complet, malgré la vision de l'adulte. Le gars avait 45-49 ans quand il me disait ça, c'est le jeune adulte. Mais lui, c'est un bonhomme qui avait un petit hôtel dans sa chambre, il vivait toujours en ermite, c'est quasiment un hobbit. Il vivait toujours au sol. Puis quand tu rentrais dans son entre à hobbit, il avait son petit hôtel, son petit encens, il couchait à terre. D'ailleurs, moi, j'avais passé ma jeunesse à coucher à terre, sauf que ma mère arrivait dans ma chambre, j'embarquais dans mon lit de suite. Et puis... je vais réincarner du chevalier, tu sais, c'est pas du tout coucher dans les lits. Et puis, lui couché à terre, c'était très, très, très correct. Et il s'est fait un bonhomme extrêmement mystérieux. Probablement qu'après ma rencontre, j'ai retiré de lui tout ce qu'il avait de mystérieux. Il est devenu un être ordinaire après. Et pendant son ordination, quand il est ordinaire, il a commencé à penser que j'étais peut-être mauvais, que j'étais peut-être le mal, que j'étais peut-être dangereux. Puis là, il a essayé de me prouver que j'étais dirigé par des forces sataniques. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a instruit du mot Yahvé, qui est satanique. Et puis, par la suite, il a commencé à m'expliquer. Puis là, moi, j'ai commencé à lui expliquer que c'était faux, que j'étais entouré de forces du mal, puis que lui, étant à l'extérieur de l'anneau, quand il percevait l'anneau des forces du mal, il n'était pas assez puissant pour savoir à l'autre bord où c'était moi. Puis moi, j'étais Yahvé, christique. Et puis, à un moment donné, il voulait avoir une preuve. Alors, il s'est équipé d'un immense pendule à plusieurs étages. Puis, ça fonctionnait bien. Tu ajustes ça, puis tu détectes, sans poser de questions, là, toutes les formes d'énergie astrale qui existent. C'était vraiment bien. Mais c'est un bonhomme, c'est un alchimiste, de toute façon. Alors, à un moment donné, ben là, je lui ai dit, écoute, on va aller sur le Mont-Royal. Tu vas trouver la place la plus noire que tu veux. Puis, moi, je vais te la blanchir. Puis selon toi, quelqu'un qui est capable de ioniser un territoire est-il satanique? Il dit non, c'est impossible s'il ionise, il est ionique. Je suis parfait, vas-y. Alors il s'est promené, il trouve une place qui avait eu un viol sur le Mont-Royal. Fait que j'ai dit parfait, éloigne-toi. Puis là, ça a pris peut-être 5 minutes. Je l'ai ionisé, mais en réalité, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené l'idée de Jésus dans le coin. Alors là, je lui demande de venir, il vient avec son pendule, ajusté au satanique. Ça tourne très, très, très, très violemment dans le sens négatif. Fait que tu vois, là, il dit qu'il n'y a rien, pour tout à l'heure, il disait qu'il y en avait. Il dit, oui, je ne comprends pas. Là, il y a juste, moi, il y a Vic, ce qu'il y a, puis là, très positif dans le sens qu'il y a Vic. Puis il commence à se promener, là, il dit, viens, on dirait que ça ferme ici. Effectivement, c'est rien qu'un cercle. À un moment donné, il me dit, c'est drôle, mais j'ai l'impression que Jésus est ici. Il dit, c'est ça. Et là, après ça, il y en a déduit que son pendule n'était pas bon. C'est ce qui arrive avec l'humain. Nous autres, on pense qu'on vit pas ça, mais il s'est refusé. Puis là, après ça, on a perdu les contacts ensemble. Lui, il m'a mis au courant de ce que c'était les extraterrestres, les intras, sans parler d'intras. C'est un bonhomme qui m'a averti énormément d'un paquet de dangers. Puis on fait le coup.